J'ai tout fait. J'ai fait l'équateur, moi, en long, en large et en traveler. J'ai fait l'équateur aux quatre coins, à toute heure. J'ai fait l'équateur en 4x4, en quad et en tracteur. L'équateur et ses sierras peuplées de quechua empulés dans du typique lama. L'équateur et ses côtes pacifiques que ça, puisqu'il pousse cactus qui pique. L'équateur, ces zones où sommeille Vulcain en personne, son Amazone amputée de sa touffe multiséculaire, et bientôt de ses eaux vives et si chères. Quito, sa capitale, ses quartiers high-tech. Quito, ses discothèques, aux cocktails pisco-tech. Aux banquettes crottées, aux disques décotés, aux catins décati, dégotés chez Cathy, merci Bobby, ou bien chez Tati, voire même chez Mamie. Avec elle, c'est piscine-hôtel, hôtel-piscine et pire si hautaine, mais ainsi pisse-t-elle. Sperme et cyprine, en été comme automne, avec les autochtones, je relève les compteurs et chantonne quand je fais l'équateur. Ça vous étonne? Pas d'exploit cette fois dans le sexe à 7 ou à 3. Point d'exocète, mais strict slip chaussette aux chiottes et aux toilettes, mes vœux non exaucés. Que faire d'autre que squatter les water exécrément quand t'es sans capote en équateur? Pas de piment. J'ai fait l'équateur comme un porc obscène, mais j'ai fait l'équateur à ses sports extrêmes. L'autocar sur route de montagne hard, conduit par un tocard, un excité du manche, un frustré du falzard, un peu zarbe. Fan de Gymkhana, qu'en a rien à foutre de se prendre un arbre, puisqu'il n'y en a pas, il n'y a que du vide en bas. Et le vide, ça me fait réfléchir sur son permis de conduire pour une poignée de dollars. De mon eurocompte. Et j'ai honte. Honte de ma condition de gringo. Honte de ma combinaison décathlon. J'ai honte, mais à quoi bon? Tout compte fait, je ne leur dois rien. Rien d'autre que ces bananes que je dévore par milliers ou que cette autre banane que j'arbore d'un air à nier. Et toi, tu ne leur dois rien. Rien de plus que ce cacao qui t'abreuve chaque matin et toi, ce café chaud qui te donne cet entrain, nous ne leur devons rien. Rien d'autre que cet or qui parle aux figures blêmes, des oreilles jusqu'aux dents et même jusqu'au blasphème. L'Occident ne leur doit rien. Rien de foutre plus que ces hydrocarbures qui donnent à nos villes impures vive et belle allure. Ah, le pétrole, parlons-en du pétrole.